بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو البناء؟ لزوم آخر لزوم آخر الكلمة أو حالة واحدة. حالة واحدة. Ça veut dire quoi ça? C'est de la fin de la fin de la كلمة. Ça change pas. نعم. ما يتغير. مهما دخل عليه من العوامل. Quel que soit ce qui rentre dessus comme agent, akhir kalima ne change pas. Kulna, c'est quoi l'asl fil asma, al-i'rab ou al-bina? Al-i'rab. Fait kif ta'alam? C'est quoi les anna hada mabni ou adam mu'arab? Comment tu sais ça? Ce qui est mabni par l'asma, ce qui est mu'arab par l'asma, comment tu sais? ما هي اسم الاستفهام اسم الاستفهام اسم الشرط شرط موصول اسم موصول اسم فعل اسم فعل بعض الظروف بعض الظروف عن عدد مش مركبة مركبة بين صفر 12 دو 11 جوسكا 19 صفر 12 نعم De. Ism Ishara. Wa. Ima kada, ima kada. Ma hu. C'est pas l'asma. Ah. C'est un ism. Damir. Damir. C'était le premier en plus, je crois. في الافعال ماذا كنا بنا والحروف سي كوا دائما مبنيه كلها احسنت الان سندخل في انواع الاعراب لفم دي عرب لفعيلتي دي عرب قال المصنف في المتن الجرميه واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم والأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Donc les catégories de l'arabe sont les quatre: le raf, le nasb, le khafd et le jazm. Que les noms eux sont concernés par le raf, les asma sont concernés par le raf, le nasb et le khafd. Il n'y a pas de jazm dans les asma. Et les af'al sont concernés par le raf, le nasb, le jazm, et il n'y a pas de khafd, il n'y a pas de jar dans les af'al. قال في الشرح بعد ان ذكر المصنف تعريف الاعراب شرع في بيان انواعه وهي اربعه انواع. Donc il a dit là que le مصنف va citer les i'rab, les formes d'i'rab. قال احدها الرفع وعلامته الاصليه الضمه. Le premier c'est le raf. Et son signe de base c'est الضمه. الثاني النصب وعلامته الاصليه الفتحه. Deuxième c'est le nasb et son signe d'origine c'est la fatha. Quand on dit d'origine c'est qu'il y a des choses qui peuvent les remplacer. الثالث الخفض وعلامته الاصليه الكسره. Troisième c'est le khafd et son signe d'origine c'est la kasra. الرابع الجزم وعلامته الاصليه السكون. Le quatrième c'est le jazm. Et son signe de base, c'est le soukoun. Il n'y en a pas d'autre. Un mot va être soit marfou, araf, soit mansoub, nasb, soit majrour ou mahfoud, ni khaft ou jar, ce sont les mêmes, soit majzoum, jazm. C'est tout. L'i'rab va tourner dans ces quatre choses-là. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ دِي الْعَلَامَاتِ الْأَصْلِيَةِ مَوَاضِعَ. Donc, comme on a dit, tous ces signes ont des situations particulières. قَالَ فأما الضمة فتكون علامة رفع في الاسم والفعل المضارع. الضمة سي بور علامة النصب رفع pour dans le اسم et dans le فعل المضارع. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le ماضي, il n'y a pas dans l'amr. نحو قول الله تعالى يخلق الله. يخلق الله. Là c'est l'exemple. يخلق الله. Donc l'i'rab c'est quoi? يخلق فعل مضارع. مرفوع مفهوم الى هنا طيب لتجرده يعني الناصب والجازم ما معنى هذا qu'en fait le fi'l la base du fi'l c'est qu'il est marfou tant qu'il y a pas un nasib c'est-à-dire un agent du nasb qui rentre dessus ou un jazim un agent du jazm qui rentre dessus le fi'l il est marfou c'est la base tamam donc souvent on dit litajarrudi c'est-à-dire qu'il est il est dénué de toute action de nasib dessus et de jazim dessus donc il est marfou. C'est comme si tu disais toi, tu es un insane, tu es grand et en bonne santé. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été atteint de maladie. C'est quoi la base ? C'est que tu es en bonne santé. Le jour où tu as une maladie, on va dire soit tu es enrhumé, soit tu as une angine, ou soit tu as casa ou casa. Mais la base, c'est quoi ? C'est que tu es ça. Et bien, la salama du verbe à la base, c'est quoi ? C'est qu'il est mal fort. Tant qu'il n'y a rien qui rentre dessus, qui change cela. C'est donc on répète l'arabe. يَخْلُقُ فِيْعْلٌ مُظَالِعٌ مَرْفُوعٌ لِتَجَرُّدِعِ يعني النَّاصِبُ وَالْجَازِمُ وَعَرَمَةُ رَفْعِهِ son signe de raf, c'est quoi? الظَّمَّ الظَّاهِرَ عَلَى آخِرِهِ là, elle n'est pas مُقَدَّرَة, elle est ظَاهِرَة. Parce qu'il n'y a pas de mania. Il n'y a aucun empêchement qu'elle apparaisse. T'as compris l'arabe là? Taïe, ça c'est pour le fi'l يَخْلُقُ ثُمَّ قَال وَاللَّوْفُ جَلَالَ ce qu'on dit pour اسم الله طيب تأدبا له ودي لفظ جلالة اسم مرفوع en vrai on devrait dire quoi c'est pas comme ça on devrait dire فاعل مرفوع dans la vraie arabe on dit فاعل direct on dit pas اسم مرفوع on dit pas ça à la base mais lui il te dit ça pour te faire comprendre que c'est un اسم pour te faire comprendre que le رف il rentre dans le fiel qu'on a pris juste avant maintenant dans l'اسم mais dans la vraie arabe quand tu sens faire les arabes tu diras pas اسم مرفوع tu diras directement فاعل مرفوع فاعل c'est quoi il est toujours مرفوع il est parmi les مرفوعات on va prendre les مرفوعات et les منصوبات et les مجرورات طيب et le فاعل il est du قسم des مرفوعات des اسماء qui ont à la base une ضمة à la fin ou ce qui la remplace donc le فاعل il est مرفوع et c'est quoi le عامل dans le فاعل c'est quoi qui le rend مرفوع c'est le فاعل. Alors, donc à la base, on devrait dire quoi ? Fa'il marfour bil fi'al. Fa'ilun marfourun bil fi'al. Tout comme c'est quoi l'amil dans le fi'al ? Tajarrud. À la base, c'est qu'il est neutre. Tajarrud, c'est la base. Tajarrud, à la base, tajarrud, c'est. T'as quoi, tajarrud, un malabis, tu t'enlèves tes vêtements, c'est-à-dire tu deviens nu. Ou wahid masan yakul, aina, tu dis. بمجرد قولك كذا كذا par ta simple parole alors on dit كذا et كذا et كذا تجرد c'est une chose qui est neutre enfin demain t'as un litige entre deux personnes tu dis أنا متجرد moi je suis neutre c'est-à-dire je suis ni avec toi je suis neutre متجرد عن موقف je suis neutre de toute position donc là le fiel à la base tant qu'il n'y a pas un jazim qui rentre qu'il n'y a pas un ansi qui rentre il est متجرد il est neutre. Et sa neutralité, c'est quoi ? Ça va être le raf. Dans le fa'il, le amil, l'agent, c'est quoi ? C'est le fi'al. C'est lui qui l'a rendu marfou. Parce qu'on a pris ça dans l'Irlob. Tarir, akhil kalima, liyesh, lidukhul, al-awamil. Donc là, le amil qui est rentré dans le fa'il, qui l'a rendu marfou, c'est quoi ? C'est le fi'al. Donc, on reprend l'arabe de l'offre de Jalala. On dit fa'ilun marfu'un bil fi'al. Wa aramatu raf'ihi maza. C'est quoi le signe de son raf? Ad-dhamma adh-dhahira ala akhirihi. Donc là, c'est ma yata'alak bi arafa. Wa aramatu arafa al-asliya ad-dhamma. Thumma qal, amma al-fathatu fatakunu aramatan il-nasb. في الاسم والفعل المضارع donc la fatha elle c'est le signe du nasb de base et on la trouve où dans le ism et dans le fi'l al-mudari' également c'est-à-dire que dans le madi il y a pas et dans l'amr il y a pas et la faïda c'est quoi il y a pas dans le madi car le madi il est mabni Et le Amr, il est même nié également. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Arabe apparente. Eux, ils sont sur Mahal. Le même nié, il est sur Mahal, comme on expliquait. نحو قوله قوله تعالى لن نعجز الله لن نعجز الله donc là افهم لن dans le تعبير on avait déjà expliqué c'était quoi لن هذا حرف نصب c'est un حرف de نصب parmi les عوامل du نصب qui font que le verbe qui vient derrière va être منصب là je parle pas du sens je parle de le travail عمله c'est parmi les نواصب il rentre dans les فعل مضارع seulement. Et comme tu l'as expliqué, c'est un sens de quoi? De négation au futur. Son travail, c'est quoi? C'est le nasb. Il rentre que dans le film Moudalir. Donc le film Moudalir qui rentre derrière, il va être quoi? Mansoub. Donc là, quand il y a l'Azawajel, l'en nourdiza Allah. Donc l'en, on n'en parle pas pour l'instant. On ne parle pas de l'Arabe de l'en. Là-bas, c'est un harf, c'est mebni. Nourdiza, c'est quoi son Arabe? Fi'urun, Moudali'un, Mansoubun, les deux choses, harf al-nasb alayhi, wa huwa lan. Et pour plus court, tu peux dire, mansoubun bilan. Et mansoub par quoi? Par lan. Est-ce que maintenant il est mutajarrad? Il est nasib al-jazib? Non, maintenant il y a un nasib qui est rentré. Donc il n'est plus marfou. Il est devenu quoi? Mansoub. Wa aramatu nasbihi, son signe de nasb, al-fathatu wa al-zahiratu wa al-akhirihi. La fatha qui est apparente à sa fin. Jusqu'ici, ma fi mushkila. Wal fa'il, dhamir, mustatir wujuban. Maintenant, il est où le fa'il de yunjiza? C'est un dhamir qui est caché. On va le prendre dans les dhamir. En fait, c'est lan nu'jiza nahnu. Mais nahnu, tu ne le vois pas là. Il n'est pas apparent, il est mustatir. Il est dissimulé. On va prendre ça dans le qisf des dhamir. Tayyib. Là, ce n'est pas ça qui nous intéresse sur le moment. Maintenant, on revient, on continue. Lafz jalala. Lan nu'jiza Allah. Lafz jalala. Ça va être quoi? À la base, si ça n'avait pas été lafz jalala, ça aurait été amaful bihi. Mais ta adduban, on dit quoi? Lafz jalala. Mansoub ala ta'zim. Mansoub ala ta'zim. Ça, on dit ça que lorsque on fait l'i'rab de lafz jalala. فهمت المقصود par rapport à la jalala ça aurait été un autre nom on aurait dit mafoulun bihi mansoub bimada bil fi'l c'est quoi l'amil dans mafoul bihi qui le rend mansoub c'est quoi c'est le fi'l celui qui agit sur mafoul bihi qui le rend mansoub c'est le fi'l ah non وعلامة نصبه الفتحة وظاهرة على آخره. سيونا بيجي مثلا ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا زيد أفقابي عمرا تغيدي كوا مفرون به منصوب بالفعل سعامل سلفير كي يفكي لمنصوب وعلامة نصبه الفتحة وقت Donc ça c'était la fatha. Qala wa amma al-kasratu la kasra fa hiya 'alamatun li-khafdi wa yahtassu al-khafdu bil-ism. Nahwu qouli Allah ta'ala amanna billah. La kasra c'est un signe du khafd qu'on explique khafd et jar, c'est la même chose. Et ce 'amal le khafd et le jar, c'est khass pour les asma. Il n'y a pas de jar de khafd dans les af'al. Il n'y a pas de fi'l, ni majrour ou mahfoud, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tamam? Exemple. Amanna billah. Donc là, lafz jalala, ismun majrour. On peut dire majrour ou quoi? Ou mahfoud. Les deux rôles, harf jal alayhi, wa wa alba. Parce qu'il y a ba, harf jal qui est entré dans lafz jalala, donc il a rendu majrour. Et le signe de son jar, à la fin du mot, c'est quoi? La kasra. Wa aramatu jarri, al kasra, fi akhirihi. Donc là, c'est ça. وما السكون فهي علامة للجزم ويختص الجزم بالفعل المضارع فقط. السكون c'est le signe du jazm. Et le jazm, il est khas bil af'al faqat. Ma fi jazm fil asma. Naam. Et quel fi'l al mudari' faqat? Le jazm, il y a trop le fi'l al mudari' faqat. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, je te le répète, le fi'l madi, il est mamni. Et le fi'l amr, il est mamni à la sahih. Il y a un khilaf, mais le sahih, c'est qu'il est mamni, comme on va le voir, inshallah, en son temps. Nihuku lillahi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Falam, c'est un harf al jazm. C'est le contraire de lan. Lam, c'est une négation passée qui rentre dans le fi'l mudari. Quand tu dis مثلاً لم أفعل هذا معناه ما فعلته. فهمت؟ سي دون الجوازم. On prendra ça par la suite, inshallah. الآن الشاهد, on veut le verbe. يلد ويولد كل من يلد ويولد فعل مضارع مجزوم لدخول حرف الجزم عليه وهو لم. وعلامة جزمه السكون. Là, il est plus مرفوع. Pourquoi? Quand il y a un jazim qui est rentré dedans. C'est quoi le jazim là? C'est l'am. Ça aurait été un ansib, ça aurait été mansoub. Ça aurait été un jazim, comme maintenant là, c'est majoum. Il n'y aurait eu ni l'un ni l'autre, il aurait été quoi? Marfoua. Naam. Qala wa hasilu ma sabak. Ana rafa wa nasb mushtarikun fil asma wal af'al. Taïeb. Le rafa et le nasb, tous les deux, on les trouve dans les af'al et les asma. وأن الخفض خاص بالأسماء. Le خفض, on appelle le jar, c'est spécifique au asma. Et le jazm, il est خاص بالأفعال, spécifique au أفعال. طيب, on va faire التمارين pour voir. قال استخرج الأسماء المعربة والأسماء المندية من كل الله تعالى وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Donc là, tu nous donnes les asma qui sont mabniya et les mu'araba dans ces versets. C'est tout quoi. Asma. Ok. Rabba. C'est quoi? Mu'arab ou mabni? Mu'arab. Là, là, on ne veut pas les arabes, juste savoir ce qu'il est mu'arab, parce qu'il est mamni, c'est tout. Aza, naam. Mamni ou mu'arab? Mamni. Al-bayt, mu'arab. Naam. Al-ladhi, mamni. Naam. Hum, c'est hum, mamni. Naam. Min, mamni. La, asma, nous l'aide, l'asma, fakat. Min, c'est un harf. Jou'a. أحسنت. خلاص الباقي سهل جدا. On va juste lire la partie d'après. تتمت هذا الدرس وقصير شيء تعليفه. C'est déjà معروف pour toi. Pour qu'on puisse rentrer après dans complètement dans معرفات علامات الإعراب. Qui est la suite de ce dernier d'aujourd'hui. قال تقسيم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع. Que le nom se divise en مفرد qui équivaut au singulier, مثنى en duel, جمع pluriel. ينقسم الاسم باعتبار الافراد والتثنيه والجمع الى ثلاث اقسام. Trois catégories. اولا مفرد singulier. ما دل على واحد او واحده مثل مؤمن ومؤمنه. Donc c'est le singulier qui prouve une seule chose. Comme مؤمن singulier. مذكر ومؤمنة singulier مؤنث ومثنى وهو ما دل على اثنين او اثنتين بزيارة الف والنون او ياء ونون على مفرده المثنى ce qui indique deux choses. Comment tu les connais? Tazid fi akhirihi alifan wa nunan ou ya'an wa nunan. Tu rajoutes un alif et un nun à la fin. Un nun maksour. Ou un ya et un nun lorsqu'il est mansoub ou majour. Pourquoi? On va savoir dans Aramat al-Iram. Mithaluhu mu'minani, pour dire deux mu'mines, deux croyants. Mu'minain, c'est lorsqu'il est mansoub ou majour, on dit mu'minain. Et ça c'est muzakkar, ça c'est masculin. Femina, mu'minatani, deux croyantes. Mu'minataini, deux croyantes, lorsqu'il est mansoub ou majour. Wa jam'u, wa huwa ma dalla ala akthar min ithnain aw ithnatayn. Ce qu'on appelle le pluriel. Ce qui indique plus que deux au féminin ou deux au masculin. Et en réalité, le jam, le musanna, il y a trop le haqiqa. Akol le jam, isnan. Quand le ta'alif, il est discutable. Wa huwa thalathu anwa'. Ce jam, de trois formes. Jam muzakkar salim. Wa huwa ma dalla ala akthar min isnain bi ziyadatin wawin aw wanunin. Ou ya in wa nunin ala mufradihi. Jam muzakkar salim, celui auquel on rajoute un waw et un nun ou un ya et un nun à son singulier. Mithal, mu'minuna, des croyants, wa mu'minina, ça c'est des croyants. Et chez le fork bainahuma, c'est que mu'minin, il est soit mansoub, soit majour. Ça va venir, inshallah. Hada, ou exemple akhar, kal, sadiquna wa sadiqina. Nafs shay. Donc, Jam Muzakkar Salim, il est as loi le Muzakkar, masculin. Wa Jam Mu'annath Salim, wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in, mazidatayn ala mufradihi. Yani, ce qu'on a ajouté un alif et un ta' à la fin. Ce n'est pas d'origine. Mithl mu'minat. Tamam, c'est quoi le mufrad de mu'minat? Mu'mina. Wa sadiqat, kazalik. قال والثالث troisième forme de jam jam taksir s'appelle jam taksir هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صيغه مفرده c'est le pluriel dont la forme du singulier a été changée c'est-à-dire la forme du mot elle a changé elle a été cassée احيانا قد يكون بحركات احيانا يكون بتغيير مكان الحروف وهكذا او نقص بعض الحروف وزياده بعض الحروف المهم وجم تكسير مثاله رجال وكل تكسير سكو سكو مفرد رجل فمثلا فعلنا زدنا غيرنا الحركات ونشوجي الحركات ونعجتي حرف ألف رجال والمفرد رجل ما في مد كذلك أوراق أوراق سي لو جم دو ورق وكتب جم كتاب Et là, regarde ce qu'on a fait. On a changé les harakat et on a enlevé un harf. On a enlevé le med. Ou ahyanan, tajid ba'd kalimat min mufradiha kot ati bi jam muzakkar salim ou jam taksir. Tu peux avoir les deux. Et le jam taksir, on a plusieurs. D'un seul mot. Tu peux avoir plusieurs du mot. Mesalan, alim. Alim. Tu peux dire alimun. Tu peux dire ulama. Ce n'est pas l'azim que j'aime taksir, il n'est pas de forme Muzakkar Salim. Non, il se peut qu'un certain asma, ils ont plusieurs jumours, plusieurs pluriels. Tu peux le trouver qu'un j'aime Muzakkar Salim, tu peux trouver j'aime taksir, hatta fi j'aime taksir, idat jumours. Plusieurs formes de pluriel, en un seul mot. Amta hada? Naam. Hada. Tayyib, al-an tamarin fakat, yakul istakhrij al-jam, wa thkur nu'ahu wa mufradahu. Tu cites quel genre de jam il est et c'est quoi son mufrad. Fikul illahi ta'ala innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wa mu'allifat kulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bis sabil. Surat Tawba. Tfadal. Il y en a avant. Sadaqat. Hadahu. C'est quoi celui-là? جم مذكر سالم مؤنث. طيب فقراء Et c'est quoi son mufrad à sadaqat? Sadaqa. Non. Thumma, zakar, fukara. C'est quoi son mufrad? Faqir. Thumma. Masakin. Naam. Jam' mudhakkar salim marfou. Là, on ne veut pas lire l'arabe, non. Masakin, jam' mudhakkar salim. Taqid. Jam' mudhakkar. Ma wa al-mufrad? Ma wa al-mufrad? Miskin. Fa'adha ma'adha? Jam' ish? Taksir. عاملين هذا جمع مذكر سالم نعم ما هو مفرده عامل عامل عليها مؤلفة قلوبهم قلوبهم خلاص تتركوا من وراء ظهرك قلوبهم جمع مذكر سالم فكر فيما تقول قلوب على تكسير قلب ايوه جم تكسير ومفرده ما هو قلب اعلم ان الجم مذكر سالم يطلق على العاقل لا في الجمادات وكذا فهمت جم مذكر سالم سي pour les choses qui ont une raison pour les hommes en fait في رقاب الغارمين نعم غارمين جم مذكر سالم مفرد غارم لا سبيل مفرد جمع سبل فهمت هذا دونك سكون ابري principalement aujourd'hui انواع الاعراب on a dit انواع الاعراب اربعه عرف اولا عرف كي بو اسماء وافعال on a dit نصب كي بو اسماء وافعال et le raf c'est quoi son d'origine dhamma le nasb c'est quoi son d'origine al fatha wal khafd qui est khass lil asma wa aramat وهو كسرة والجزم خاص بالأفعال ورماته سكون ثم أخذنا في الأسماء أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام المفرد singulier مثنى on appelle le duel qui indique deux choses والجم pluriel وهذا الجم قلنا ثلاث أنواع جم ذكر سالم الذي نزيد في أخيره واوا ونونا أو يعن ونونا جم مؤنث سالم الذي نزيد في اخره الفا وتاء وجم تكسير الذي نكسر من صيغه مفرده هذا مفهوم هذا فلو نوى الحمد لله رب العالمين